Malsain 976, de retour, l'enfant du 976 au micro, 2007. Le rappeler ma Disney, je peux pas m'arrêter. Le rap c'est ma Disney, je peux pas m'arrêter. Hey yo, si le rap était ma façon de parler, je serais pop star. Que dire de ma technique et de mon flow dans les murs du ghetto? Le rap est devenu une solitude, c'est pas une mauvaise habitude, mais une histoire sans fin. La vie est belle derrière les micros, la mélancolie du rap efface notre passé sans laisser de traces. C'est efficace, tous les cauchemars partent de notre tête. Le rap est devenu notre seul point de repère, les yeux baissés dans un carrefour. Chacun regrette ses erreurs, c'est la faute de personne comme d'hab. Je m'en vais pour la tête de quelqu'un d'autre. Dans ma tête, je me dis toujours que mieux vaut avoir un cœur de pierre. Le rap c'est ma Disney, je peux pas m'arrêter. Le rap c'est ma Disney, je peux pas m'arrêter. C'est en débutant aux Amantales avec un son banal que j'emporte mon adolescence brisée et des amitiés gâchées. Le son n'attire pas d'ennui si tu me suis, demande pas qui je suis. C'est le rap qui fait la célébrité dans ma cité. Seul le monde connaisse les règles. La légende raconte que je suis un grand rappeur légendaire. Grâce à mes talents ordinaires, j'ai débuté dans la galère et j'en suis fier de faire partie de ces mondes sans histoire bandit. La rue m'a tout appris et j'en serai ravi quand le rap évoluera dans ma cité et fera la célébrité. Car j'ai tant d'illusions à pleurer et tant d'émotions à chanter pour ma jeunesse gâchée. Le rap c'est ma destinée.